voix, écoute. Corazón, mi corazón latir por ti. Escucha. Écoute comment je fais battre mon cœur pour toi. Écoute. Tunto sapi, mazahard, mi marela kela. Kite kure, dore hodo boku ga kimi no tame ni mune o takanarasete iru ka. Listen, I make my heart beat for you. Le se, inch pesi des kezi hamar gizarne.

char. Poiché Martello tutta la si gran patto. Tosto m'abbraccia, stringe pur mi bacia. Che in questa terra dimmi ne più bella, caramella mi dolce già.